13 novembre 1928. Malaisie. Village indigène au nord de Kuala Kangsar. Cela fait maintenant 4 jours que je suis bloqué ici. Des 3 indigènes que j'avais engagés comme porteurs à Bangkok, 2 ont disparu avec les vivres la semaine dernière. Et le dernier souffre d'une fièvre qui le paralyse peu à peu. Ce village est étrange. Malgré les fruits et les bouillies que les autochtones n'ont de cesse de m'offrir, je ne parviens à savoir si je suis hôte ou prisonnier. Ils semblent préparer une cérémonie en mon honneur. Voilà que leur danse se met à rythmer une inquiétante harmonie. Étrange boisson, mélange moribond, entre sommeil et coma, j'erre dans les écrits Veda. Quatre bras m'entraînent.